Deuxième livre des Rois, chapitre 11. Or Athalia, mère d'Achazia, ayant vu que son fils était mort, s'éleva, et extermina toute la race royale. Mais Jehoséba, fille du roi Joram, sœur d'Achazia, prit Joab, fils d'Achazia, et le déroba d'entre les fils du roi qu'on faisait mourir, et le mit avec sa nourrice dans la chambre au lit, et on le cacha de devant Athalia, de sorte qu'on ne le fit point mourir. Et il fut caché avec elle dans la maison de l'Éternel, l'espace de 6 ans. Cependant Athalia régna sur le pays. Et la 7e année, Jéhojada envoya, et prit des centeniers, des capitaines, et des archers, et les fit entrer vers soi dans la maison de l'Éternel, et traita alliance avec eux, et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et leur montra le fils du roi. Puis il leur commanda, en disant, « C'est ici ce que vous ferez, la 3e partie d'entre vous qui entrez en semaine, fera la garde de la maison du roi, et la 3e partie sera à la porte de Sur, et la 3e partie sera à la porte qui est derrière les archers, ainsi vous ferez le guet pour garder le temple, afin que personne n'y entre par force. Et les 2 compagnies d'entre vous qui sortez de semaine, feront le guet pour garder la maison de l'Éternel, auprès du roi. Et vous environnerez le roi tout autour, chacun ayant ses armes en sa main, et si quelqu'un entre dans les rangs, qu'il soit mis à mort, vous serez avec le roi quand il sortira, et quand il entrera. » Les centeniers donc firent comme Jéhojada le sacrificateur avait commandé, ils prirent chacun ses gens, tant ceux qui entraient en semaine, que ceux qui sortaient de semaine, et ils vinrent vers le sacrificateur Jéhojada. Et le sacrificateur donna aux centeniers des hallebardes et des boucliers, qui avaient été au roi David, et qui étaient dans la maison de l'Éternel. Et les archers se tinrent rangés auprès du roi tout alentour, ayant chacun les armes à la main, depuis le côté droit du temple jusqu'au côté gauche, tant pour l'autel que pour le temple. Et Jéhojada fit amener le fils du roi, et mit sur lui la couronne, et le témoignage, et ils l'établirent roi, éloignirent, et frappant des mains, ils dirent, « Vive le roi !» Et Athalia, entendant le bruit des archers, et du peuple, entra vers le peuple dans la maison de l'Éternel. Et elle regarda, et voilà, le roi était près de la colonne, selon la coutume des rois, et les capitaines et les trompettes étaient près du roi, et tout le peuple du pays éclatait de joie, et on sonnait des trompettes. Alors Athalia déchira ses vêtements, et cria, « Conjuration, conjuration !» Et le sacrificateur Jéhojada, commanda aux centeniers qui avaient la charge de l'armée, et leur dit, « Menez-la hors des rangs, et que celui qui la suivra soit mis à mort par l'épée. » Car le sacrificateur avait dit, qu'on ne la mette point à mort dans la maison de l'Éternel. Ils lui firent donc place, et elle revint dans la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux, et elle fut tuée là. Et Jéhojada traita alliance entre l'Éternel, le roi, et le peuple, qu'il serait pour peuple à l'Éternel, il traita de même alliance entre le roi et le peuple. Alors tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal, la démolirent, avec ses autels, et ils brisèrent entièrement ses images, ils tuèrent aussi Matam sacrificateur de Baal, devant les autels, et le sacrificateur ordonna des gardes dans la maison de l'Éternel. Et il prit les centeniers, les capitaines, les archers, et tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des archers, et Joas s'assit sur le trône des rois. Et tout le peuple du pays fut dans la joie, et la ville fut en repos, quoiqu'on eût mis à mort Athalia par l'épée dans la maison du roi. Joas était âgé de 7 ans quand il commença à régner.